ban mwen li. Mwen mache yon ba la pli jiska bou liki. Mem si an pate ni parapli, an pate vle pet li. Sa yo pedi, yo pedi, se moun no peyi. La on yon mango yon gigami, fou pa ou lese pouri. Epi plezi, epi souci, nou fonde yon fami. Love my love, say love my love, my love to do I. Oh. Toujours à bas, moi, des belles tibos. Ça rend tout corps moins chaud. Avec mon joli sombrero, tu me dis que je suis beau. Avec ou sans anneau, je resterai toujours ton coco. En finis pas toucher le rouleau. En pas d'épiser mon démon à l'eau. Love my love, love my love. Si love my love, my love to do I. Do do do do do do do. Si love love, my love chérie. I love my love, love my love. Si love my love, my love to do I. Alors il faudra mettre ton maillot. Je t'emmène faire un tour en bateau. Avec ou sans chapeau. En pays, la soleil, la toujours chaud. Et la voix au canage si doux. Moi, y'a envie, tu es en bas de Tibo. Et là, nous que vivez, terre de haut. A qui bas manger tout mon amour. Say love, love, my love, chérie. I love, my love. Say love, my love, my love, do do I. Do do do do do do. Say love, love, my love, chérie. I love, my love. Love my love, say love my love, my love to do what? Do do do do do do do. Love my love, say love my love, my love to do what? Do do do do do do. Say love, love, my love, chérie. I love my love, love my love, say love.